bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air. Au microphone et au choix des disques, Jean-Philippe Boisbriand. Au menu ce soir, indie rock et punk new wave ou post-punk. On entendra entre autres L.A. Witch, Cass McCombs, Angel Olsen, Matt Moss, Meridian Brothers, Horse Lords et plusieurs autres condiments, bien entendu. Alors, si on veut tout entendre, eh bien, allons-y maintenant. Back home. my senses so they could have a conversation. Taught them to switch places. From each pore in my skin grew shimmering eyes and fingerprints filled the eye. The eyes suckered. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Au microphone et au choix des disques, Jean-Philippe Boisbriand. On a entendu dans ce premier bloc Grail Overfloweth du groupe Cocteau Twins, extrait de l'album Garlands, paru en 1982. Blood Flight de Jenny Evall précédait, extrait de l'album Viscera, paru en 2011. Juste avant, on a entendu All New Mess de Angel Olsen, extrait de son tout nouvel album All New Mess, qui est paru récemment. Minimum Wage de Cass McCombs précédait, extrait de A Folk Set Apart, Rarities, B-Sides and Spake Junk, etc., un album paru en 2015. On a débuté le bloc avec Dark Horse de LA Witch, extrait de leur tout nouvel album Play With Fire. On poursuit avec Adepts du groupe Matmos, extrait de leur plus récent album The Consuming Flame, Open Exercises in Group Form, qui est paru récemment. Thank you. juices in the fridge still. That old dirty record that you got from down a local wine shop is lying half a morbid sleep. On its axis, birds falling from my dark skies, dogs howling through the whole night. I'm not expecting sunshine again within my lifetime. TV says we are expecting a heat wave, expecting a heat wave. Expecting a heat wave, melting all of us away. Expecting a heat wave, expecting a heat guerreros

Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Au microphone et au choix des disques, Jean-Philippe Boisbriand. On a entendu dans ce dernier bloc Astrologie sidérale de Les Spectre, extrait de Small Town Graffiti paru en 2019. Ça a été précédé de Against Gravity du groupe Horse Lords, extrait de leur tout nouvel album The Common Task. Ça a été précédé de Cumbia de la Fuente du groupe Meridian Brothers, extrait de leur tout nouvel album Cumbia Siglo 21. Juste avant, on a entendu Heat Wave du groupe Tongue, extrait de l'album This is Tongue, Magpie Bites and Other Cuts, paru en 2019. On a débuté le bloc avec Thistle Down du groupe Pram, extrait de l'album Across the Meridian, paru en 2018. On poursuit avec Green Banana du groupe Frank Chickens, extrait de l'album We Are Frank Chickens, paru en 1984. Yeah. Everybody's gonna know that you're bad in bed. You're bad in bed. Yeah. You look real cool, but you're bad, bad, bad in bed. You got brand new shoes, you got a brand new hat. You got a leaf in front of little and a Siamese cat. You got a swimming pool, a big diamond ring. But no one's ever showed you how to shake your thing, because you're bad in bed. Your backbone slip because you're bad in bed. You're bad in bed. Yeah. You look real cool, but you're bad, bad, bad in bed. Okay, come on, boys, play it. Cause you're bad in bed. You're bad. You stinking bear. I said remember. Soy una estructura de metal. To swim and to swim, it was what he

C'est déjà presque tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi à l'antenne de CKRL le 89.1 à Québec. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. On a écouté dans le dernier bloc le groupe féminin japonais OGZ. C'est un groupe de post-punk ou de punk new wave japonais qui a sévi de 1981 à 1989. Nous avons écouté une pièce avec un titre en japonais qui pourrait être traduit par « Que faisons-nous ?». C'était extrait de la compilation « Along Ago 1981-1989 » qui est parue plus tôt cette année. Ça a été précédé par « No Queen Blues » du groupe Sonic Youth, extrait de « Washing Machine » paru en 1995. R. Swimmer du groupe Wire précédait, extrait de Document and Eyewitness, un album paru en 1981. Juste avant, on a entendu Gestalt du groupe espagnol El Aviador Dro y sus Obreros Especializados, extrait du EP La Chica de Plexiglas, La Vision, paru en 1983. Ça a été précédé de Sue Balds du groupe Devo, une pièce de 1979. C'est extrait de la compilation Turnaround B-Sides and More 1978-1984, une compilation parue en 2019. Ça a été précédé de Deutscher Girls de Adam and the Ants, extrait de la compilation First Edition parue en 1982, une compilation produite par Brian Eno. On a débuté le bloc avec Bad in Bed du groupe Wayne County and the Electric Chairs, extrait de l'album The Electric Chairs paru en 1978. Je vous laisse avec Sendak du groupe canadien Ruby Carinto, extrait de l'album Ruby Carinto paru en 2018. Bonne soirée à notre antenne.